Vivacité, ma radio complicité. À 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue. Alors c'est vrai qu'on est très très heureux de cette chaleur, on est beaucoup moins heureux hein, parce qu'il s'est passé en Italie bien entendu, mais encore une fois j'ai envie de vous dire d'en profiter ici pendant quelques jours, voilà, parce que ça fait tellement plaisir d'aller faire dodo en se disant oh, demain quand je me réveille il y aura du soleil, ou de partir travailler le matin en disant oh, ce soir quand je rentre je vais pouvoir oublier le gilet, on va pouvoir faire un truc à l'extérieur. C'est vrai Joël, hein, ça fait quand même plaisir. Quoi. Oui, tout à fait, ça fait plaisir et puis c'est très motivant de se lever avec le soleil. Super motivant. Bon, c'est bientôt la rentrée malgré tout. Bah, les enfants, on ne leur en parle pas hein, pour le moment. On les laisse un petit peu barboter justement dans des petites piscines gonflables. Ça, c'est toujours très sympa. Mais voilà, c'est bientôt la rentrée. Pour nous, c'est depuis 2 jours cette rentrée. Comment trouver la motivation au quotidien ou trouver l'énergie pour nos projets privés et professionnels sans se stresser? Où trouver ou retrouver notre motivation? Quels sont nos moteurs personnels? Quelles sont vos astuces à vous? 070 23 33 23, SMS 3063. J'aimerais vraiment avoir aujourd'hui des personnes qui vont venir me dire, Sylvie, c'est fou ce que vous dites là, parce que en effet j'ai décidé moi aujourd'hui dès le mois de septembre de mettre en place des projets, voilà, c'est des projets qui traînent dans ma tête depuis longtemps, mais là je veux vraiment les mettre en place. Joël Iland, vous êtes conseil en développement personnel, vous allez nous repréciser que pour pouvoir se motiver il y a quelques clés à connaître bien entendu, nous allons aussi dans cette émission me donner plein de clés, en parlant de clés on va en donner plein pour vous aider à retrouver cette confiance en vous pour aborder la rentrée du bon côté et surtout vous remettre bien en tête que nous sommes tous uniques et qu'il n'y a pas de recette miracle et qu'il faut bien s'entourer et que il y a des jours sans, évidemment Joël, on peut pas toujours être au top. Bien sûr, la motivation c'est pas du 100%, nous ne sommes pas du 100%, on a le droit à l'erreur. On essaye, on recommence, la motivation fluctue. Tout voilà. Fluctue. Exactement. Tout change, donc il faut en profiter. Comment vous motivez? Est-ce que vous projetez déjà dans des projets? Venez nous dire vraiment comment vous faites pour éloigner aussi ceux et celles qui vous disent « Mais tu n'y arriveras pas !»« Mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi tu perds ton temps ?»« Quoi ? Tu vas te remettre à des études, peut-être un peu fuir les démotiveurs. » Oui. Fuyez les démotiveurs. Bah, maintenant, s'ils font partie de votre environnement, vous ne pouvez pas non plus claquer la porte. Hein. Mais vous dites simplement, gentiment, écoute, j'ai pas envie d'entendre ça. Mm-hmm. Moi, j'ai une petite voix intérieure qui me dit d'autres choses. 070 23 33 23. SMS 30 63. Via la page Facebook de l'émission La Vie du Bon Côté, vous et vos projets réussis. C'est parti. La Vie du Bon Côté. A breath, rest your head, close your eyes, you are right, just lay down to my side, do you feel my heat on your skin, take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, take off my clothes, oh bless me father, don't ask me why, you're right. Hold my stare, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me father. Don't ask me why, you're right. So God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Sur Vivacité dans la vie du bon côté, on vous donne donc des clés aujourd'hui pour bien aborder la rentrée. Mais la rentrée, c'est tous les jours. Chaque matinée est en quelque sorte une rentrée, c'est vrai. Hein, chaque réveil. Chaque réveil est une rentrée. Voilà, on rentre dans la journée, on peut rentrer dans une énergie différente. Mais bon, on parle de rentrée scolaire, bien entendu. La rentrée, en quelque sorte, après ces vacances, cette période estivale. Parce qu'il y a des personnes pour qui le mot vacances, ça ne représente pas grand-chose. Donc cette période estivale. Et on en profite évidemment cette semaine, c'est toujours bien de les avoir. Parce qu'on dit toujours qu'il fait toujours très très beau à la rentrée scolaire. Donc c'est bien qu'il fasse beau un peu avant. Mais tout à fait. Les gens sont jamais contents. Hein. Ils disent toujours, oui mais quand on va rentrer à l'école, il va faire beau. Et ben voilà. Et ben voilà, maintenant il fait beau juste avant de rentrer à l'école. Donc on en profite. Bon, venez prendre la parole. Comment trouver la motivation au quotidien? Où trouver l'énergie pour vos projets privés et professionnels sans vous stresser? Quels sont vos moteurs? Quelles sont vos astuces? Dans quelques instants, c'est chouette. On a déjà une auditrice qui souhaite intervenir. C'est Véronique et elle entreprend des études. Oh, elle est très, très, très, très vieille. Elle a 43 ans. Ouh là là là. Hein, elle est encore toute jeune, Véronique. Donc, elle viendra nous dire comment, justement, elle écarte un peu ces démotivateurs qui lui disent, mais tu vois, mais enfin, ça va pas, non, à ton âge. Bon, Véronique prendra la parole. 3063 pour vos messages. Avec vous, Sport World, le meilleur du sport international débarque chez vous. Cette offre est disponible pour 14,99€ par mois. Ce qui va Federer. Pas mal de monde. Alors pour profiter de l'excellente de vous, Sport World, allez vite dans une boutique vous sur vous.be ou au 0800 800 25. Vous verrez, ils sont... Couture ! Si vous aimez le sport, vous devez avoir vous, Sport World. Offre soumise à condition. Vivacité, l'info plus proche de vous. Chaque jour, 7 grands journaux avec toute l'info nationale et internationale. 5 journaux régionaux complets, 3 journaux des sports, des flashs toutes les heures, des émissions thématiques et régionales, les rendez-vous sportifs en direct, l'infotrafic en temps réel. À chaque instant, Vivacité, c'est l'info plus proche de vous. Vous vous réveillez souvent à l'autre bout du monde. Chaque matin, de 6h à 8h. Karim Bress et la rédaction énuyère de Vivacité vous réveillent avec les nouvelles de votre région. C'est entre Soignies et Enghien, c'est vraiment à côté d'Enghien. Et aussi du reste du monde. Les Occidentaux haussent le ton. Vivacité Matin dans le Hainaut, parce que votre journée commence chez vous. Cinq secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Vivacité à Enghien. En toute complicité. Sur 101.8 FM. My Love Vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et on met en effet la motivation du bon côté, l'énergie organisationnelle du bon côté organisatrice, l'énergie qui vous fera organiser plein de choses, mettre en place plein de choses et surtout les mener à bien vos projets et faire en sorte qu'ils soient une réussite. Joëlle Hilland, vous êtes conseillère en développement personnel. La motivation, on va vraiment commencer par là parce que vous l'avez dit, elle fluctue. La motivation est liée au désir, dites-vous. Oui, la motivation, c'est une force. Alors cette force, il faut aller la chercher quelque part. Elle vient pas toute seule, c'est ça. Elle vient pas toute seule. Elle est pas innée. Elle est... Pas spécialement. Il y a peut-être des personnes qui naissent comme ça, mais oui. Voilà. C'est une motivation qui dépend aussi des objectifs. Donc ça, on va certainement en parler. Fixer des objectifs, c'est très important. Mais c'est lié au désir de réaliser quelque chose, de faire quelque chose, d'aboutir à un résultat. Par exemple, si on prend les sportifs, ils ont besoin clairement aussi d'objectifs. Il y a le désir de réussir, de progresser, de gagner quelque part. Bon, voilà, ça dépend un peu du domaine dans lequel on recherche cette énergie. Mais c'est vraiment ça, c'est retrouver cette force qui effectivement fluctue en fonction des journées, en fonction des périodes parfois plus longues. Mais la motivation, c'est la vie, en fait, c'est essentiel. Et si c'est une force, ben justement, il faut l'entraîner, cette motivation. Mm-hmm. Il faut, comme si en effet, on va courir tous les jours, Donc on doit se récompenser. Oui, on doit se récompenser. Ah, je me suis bien motivée, hop. Tout à fait, il faut se faire plaisir quand on est content des résultats, pour avoir continué, envie d'avancer. Bon, ça c'est une chose donc par rapport à la motivation. Où allez-vous la trouver, cette motivation, pour mettre en place des choses pour cette année scolaire 2016-2017? Véronique, bonjour. Oui, bonjour Sylvie. Bonjour. Vous recommencez des études à 43 ans. Oui. Et beaucoup de personnes autour de vous disent, mais Véronique, c'est de la folie ça. Oui, il y a quelques personnes effectivement qui disent, mais enfin, à 43 ans, tu vas reprendre des études qui vont durer 4 ans. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, mais si je ne les commence pas maintenant, je ne le ferai plus après. J'ai un boulot, mais je ne suis plus, je n'ai plus de satisfaction personnelle dans ce boulot. Alors oui, j'ai la chance d'avoir un boulot, je suis correctement payée, etc. Mais il y a la satisfaction personnelle qui n'est plus là. Et ça fait déjà un moment que je cherche à faire des études. Et puis tout à ce coup, j'ai trouvé ce qui allait me plaire. Et je pense que c'est ça aussi la motivation, c'est de voir plus loin, voir ce que ça va m'amener plus tard en fait. Parce qu'ici, si je m'arrête au jour le jour, je me dis, bah oui, d'accord, j'ai un boulot avec des horaires acceptables, je ne suis pas trop mal payée, etc. Mais est-ce que j'ai encore envie d'être là dans 25 ans, vu que nous, on va travailler au moins jusqu'à 67 ans. Donc, je dis, est-ce que j'ai encore envie d'être là dans 25 ans? Et clairement, ça a été non. Donc, ça m'a motivée pour pour chercher quelque chose qui me plaisait vraiment, en fait, pour m'épanouir personnellement dans un autre domaine, en fait. Donc vous avez envie de retrouver une satisfaction ou de vous projeter dans le futur et vous êtes posé la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mettre en place quelque chose pour demain? Oui. Tout à fait, exactement, oui. Le fait de ne pas avoir de satisfaction, de ne plus avoir de satisfaction personnelle à son travail, est-ce qu'en effet on n'est déjà pas empli de quelque chose? Joël, c'est à vous, je m'adresse, mais... C'est un déclencheur en tout cas. C'est un déclencheur. Ouais. Je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais ça déclenche. En effet, on est à la limite sur une rampe de lancement. Voilà, en tout cas, ça. Si on se projette et si on a ce mental-là. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui vont se lamenter en disant, voilà ce qui m'arrive, je ne suis pas bien. Et vous, Véronique, c'est pas votre cas. Vous avez comme le soutien de votre mari? Oui, tout à fait. Oui, il me soutient à fond parce qu'il voit bien que d'abord, ce que je vais faire comme formation, ça me motive vraiment beaucoup, et il voit vraiment que ça me tient à cœur. Et il se rend bien compte que effectivement, là où je suis, je ne suis plus épanouie. Donc lui, il me soutient. Et je voulais dire, par rapport aux démotivateurs, les plus grands démotivateurs, souvent, c'est ceux qui n'osent pas le faire, et c'est tout ceux qui vous envient en fait. Ouais, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Et puis parfois, vous avez des personnes à qui vous en parlez comme ça, que vous connaissez même pas bien, qui disent « Oh, mais c'est génial, c'est super de d'oser recommencer », alors qu'il y en a d'autres qui voudraient, mais qui ne font pas parce qu'ils n'osent pas, etc. Et c'est ceux-là dont je me méfie plus, je veux dire, par rapport à le fait d'aller plus loin. C'est toujours ces personnes qui vont trouver le petit truc « Oui, mais tu te rends compte, tu as des enfants en bas âge, oui, mais tu te rends compte, ta formation, elle est loin. » Oui, c'est vrai, il y a un tas de choses qui font que ça pourrait pas se faire, mais je veux le faire. Et vous le ferez. Et vous le ferez, voilà. Véronique. Ah oui, de toute façon, je commence le 17 septembre. De toute façon, c'est lancé. C'est waouh, c'est génial ça d'avoir ce. Elle a raison, les démotivateurs, on va y revenir. Elle a raison, et ce qui est bien dans son cas, c'est qu'elle a compris ce qui se cachait derrière, effectivement. Oui. Les personnes qui parfois nous disent attention, tu vas quand même pas faire ceci, etc. En fait, c'est leur propre peur. Ils ont la boule au ventre, quoi. Qui projettent sur la personne, en fait. Sur la personne, tout à fait. Et donc, si elle en a conscience, ça ne l'influencera pas. Tandis que si elle ne comprend pas, ça peut entraîner des doutes, des questionnements, voire remettre le projet à plus tard, ou même parfois laisser tomber. Oui, il a raison. Enfin, ils ont raison. Merci Véronique pour ce premier témoignage. C'est exactement dans ce sens-là qu'on veut aller. 070 23 33 23. Par SMS, 30 63. La motivation, l'énergie, comment vraiment booster votre rentrée si vous avez vraiment envie de mettre des changements en place ou des projets. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus il n'y a personne? Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus qui résonne. Et si en plus il n'y a personne? Magnifique chanson, Alain Souchon qui la signe personnellement. 070 23 33 23 SMS 30 63. La rentrée, les projets de la rentrée. Qu'est-ce que vous allez mettre comme énergie? Qu'est-ce que vous avez peut-être aussi comme énergie en ce moment, alors que la période estivale se termine tout doucettement, pour aborder donc une autre saison, on va dire, même si ça n'a rien à voir avec la météo, mais un autre cycle. Voilà, le cycle de la rentrée. Quels sont vos boosters? Quels sont vos moteurs personnels? Quelles sont vos astuces? Quels sont vos plans, vos stratégies. Elle est là pour vous donner des clés et on va continuer à vous en donner après avoir parlé de ce projet motivant que va mener Véronique, reprendre des études à l'âge de 43 ans. 070 23 33 23 ou par SMS 30 63. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Le monde sauvage d'Ewaï, Safari Park unique en Belgique, E25, sortie 46. Mondesauvage.be. Avec le moteur, je vous entends mal. Oui, équipe du 8-9 ici. Je suis sur le circuit du nouveau Michel Vaillant Renaissance. Rien que la couverture. Le bolide de Michel Vaillant qui roule dans Paris au pied de la Tour Eiffel. À Pigalle, Paris. Ce jeudi, c'est Philippe Graton, scénariste, qui est notre invité. Je ne saurais que trop vous recommander de venir. Le 8-9 avec Benjamin Maréchal. Vous aussi, vous appréciez de souffler en fin de journée? Exactement, et on va vous offrir des cadeaux. Un peu d'actu et beaucoup de bonne humeur. Avec des bons conseils, l'occasion. Le 5 à 7 de Vivacité, ma pause. Ah, vent de rentrée. Avec Cyril. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. Avec ces nouvelles chaussures Brentano, votre enfant fera fureur à la récré. Non seulement elles sont super cool, mais elles sont aussi hyper confortables. Et notre scan des pieds en 3D sait exactement quelle est ta pointure et combien de temps tu la porteras. Ainsi, maman aussi est contente. Ce n'est pas tout. Jusqu'au 4 septembre, profitez de 15% de réduction sur toute la collection enfant. Infos et conditions, brentano.be. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi 350 ans. C'est 2, 3 et 4 septembre, week-end d'anniversaire. Soirée d'ouverture place de la Digue, cortège historique avec la présence de l'Homme Gang, Carolo Retro Cars, accès exceptionnel à de nombreux sites historiques et Kefies, grande fête populaire sur les quais de Sambre. Info charleroi.be/350ans. Avec la une. Vivacité. La vie du bon côté sur Vivacité. Joëlle Hyland, conseil en développement personnel. On profite de la fraîcheur hein, dans le studio. C'est agréable ici. On est bien. Alors c'est vrai qu'on va... vous allez surtout donner des clés qu'il faut absolument connaître, appliquer évidemment pour pouvoir aborder la rentrée d'une bien belle façon au niveau d'une énergie à mettre en place des projets, à mettre en place des changements, non pas changements de vie, mais des changements, quels qu'ils soient. Alors la motivation... Donc on en a parlé. Vous venez de me dire quelque chose d'intéressant, Joëlle. Vous dites attention aux comparaisons. Oui. Faites attention. Donc c'est vrai qu'on a déjà mis en garde contre les démotivateurs en disant que c'est vrai que ces personnes-là, parfois, elles ont la boule au ventre et elles projettent leur propre peur sur nous. Et ça ne part pas d'une mauvaise intention parfois. Hein. Non, pas du tout. C'est simplement une peur. Mais c'est vrai qu'il y a aussi... Ce mal-être en termes de comparaison. Et aujourd'hui, il est très fréquent avec Facebook et voilà. Tout ça. Attention à la comparaison, parce que même avec un même objectif, un même rêve, une même cible, d'abord, nous sommes tous différents. Le chemin n'est pas le même. Bon, il y a un rythme qui est différent, un parcours différent. Donc, on ne peut pas comparer les choses, puisque nous sommes complètement différents dans notre façon de fonctionner. Et donc, ça risque parfois de nous démotiver, justement, de se comparer, de se dire, ah oui, mais lui ouais, il y arrive, ou... et moi pas. Mais moi, non, pas, mais on n'a peut-être pas la même façon, le même parcours. Donc, on reprend les choses à leur début, c'est qu'en effet, comme on ne doit pas se comparer, c'est qu'il faut bien se connaître, voilà, puisque exactement. Nous sommes tous uniques. Donc, c'est vraiment revenir un petit peu à qui nous sommes. Se centrer sur soi, ouais. Pour trouver la motivation, donc cette énergie, il faut trouver ces motivations, notamment, par exemple, dans le plaisir de réussir, d'atteindre un objectif pour nous-mêmes. Donc il faut se connaître nos qualités, nos forces, peut-être nos faiblesses aussi. Oui. Et il faut que notre objectif aussi corresponde à nos valeurs pour qu'on soit bien avec ça. Oui. C'est un problème d'éducation aussi. Hein. On nous a peut-être jamais vraiment donné le plaisir d'avoir réussi quelque chose et donc on n'a pas ça en soi. Pas toujours. On doit, pas toujours, non, ça c'est sûr. On doit vraiment aller le chercher loin parfois. Parfois on peut aussi le trouver à l'extérieur de soi. Donc ça, justement, je donnais l'exemple des sportifs. On peut être à la recherche d'un objectif concret, une récompense, même matérielle aussi, ça peut être aussi un objectif. Ça peut être pour certaines personnes aussi un moteur. Vous donnez comme conseil de lister peut-être tout ça. Tout à fait. Ouais, le plus souvent possible. Tout à fait. Prendre toujours un carnet. Lister et choisir des objectifs avec certains critères, pas n'importe comment. Donc peut-être certains auditeurs ont déjà entendu parler des objectifs SMART, ça veut dire spécifiques. mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc ça doit et être dans le concret. Là. Voilà, il faut que ce soit concret. Parce que si on a des objectifs beaucoup trop lointains, il faut les diviser alors, éventuellement les diviser en étapes, pour chaque fois voir qu'on arrive à quelque chose. Ouais, par palier, par palier, par palier. Quoi. Ça c'est motivant aussi. Qu'est-ce qu'il, quand on liste, comme vous dites, quand on écrit un peu tout ça, c'est mieux de le faire quand? Le mieux de faire quand on a le questionnement qui arrive, quand on a le temps, et dès que l'idée vient aussi. Donc il vaut mieux avoir toujours quelque chose on sur peut soi. Par exemple sur soi, ou par exemple sur sa table de chevet lorsqu'on a une idée, parce qu'on a parfois des suggestions, des choses qui nous viennent à l'esprit, et puis ce qui se passe souvent c'est qu'on les oublie. Mais oui, donc il faudra avoir effectivement un petit carnet, un bloc-notes quelque part, ou dans une pièce où on passe régulièrement, ou à côté de sur sa table de chevet. Donc ça peut être une bonne idée. Votre puis après, carnet il faut de les rentrée reformuler. Oui, ouais, vous exemple. Choisissez tout coloré, voilà. On peut faire, on peut dessiner, on peut d'ailleurs, moi je donne comme astuce parfois de choisir justement des images qui représentent votre motivation. Ah, ça, c'est bien, c'est et ça, on peut les placer à certains endroits stratégiques justement de la maison. Ça peut être si la motivation c'est une personne ou la famille ou les enfants, on peut mettre justement la photo de nos proches qui sont nos motivateurs et qui sont notre impulsion en fait, cette énergie. De s'aider de ces petits trucs en effet qui sont facilement réalisable. 070 23 33 23 SMS 30 63. Vous avez peut-être l'année dernière pensé à des projets que vous vouliez, que vous souhaitiez mettre en place et ça n'a pas abouti. Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que cette année-ci, vous allez les reprendre là où ils sont restés? Qu'est-ce que vous allez mettre en place plus cette année-ci? Ou bien venez vous questionner avec nous. On est là pour ça. Donc voilà, si vous avez plein de questions en tête, venez prendre la parole et on se questionne l'un les uns les autres et on trouvera peut-être des réponses ensemble. Venez, venez, 3063 pour vos messages, 50 centimes par message. Vivacité présente. C'est 27 et 28 août dès 14h, l'archéocide d'Aubéchy vous invite à son traditionnel week-end d'archéologie expérimentale. Près de 250 reconstituteurs et expérimentateurs belges et étrangers animeront le site. Légions et cavalerie romaine, gladiateurs, troupes gauloises, artisanat et cérémonies domestiques illustreront la vie civile. Un week-end inoubliable dans l'Antiquité. Info sur archéocide.be. En télé sur la Une. La vérité si je mens. La vérité c'est Cornélia. La vérité, tu regretteras pas. Mais la vérité c'est normal. La vérité si je mens 3. Et on partage à 3, 50-50. 50-50 à quoi? Bah et oui, moitié. 3 fois plus de délire, ce vendredi soir sur la Une. Oh putain les gars, ça y est, c'est parti. Au troisième top, il sera... 13h33. Oh, hey, regarde, ta collègue te fait les yeux doux. Elle te balance des miaou. Hein, hey, réveille-toi là, tu dors debout. L'anti-coup de mou. C'est Nalou. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Vapona, votre arme contre les insectes. Dans son spécial mode, Gaëlle reçoit l'influente créatrice Diane von Furstenberg. Découvrez les modèles et les tons qui ont séduit les acheteuses des boutiques, comme le chemisier à nœuds et les couleurs royales. Et pour pimenter vos looks, Gaëlle vous propose un clutch pile dans l'air du temps pour 2 euros seulement. Gaëlle, vous avez tout pour vous. Jermis, derrière ce nom se cache un très prometteur jeune producteur belge qui lance son deuxième single, vraisemblablement promis à un tout aussi bel avenir que le premier, All Along. On lui l'espère évidemment pour lui. C'est quelqu'un qui, à mon avis, met du plaisir dans ce qu'il fait, parce que la notion de plaisir est très très importante. Et j'aurai encore aujourd'hui l'occasion, et parce qu'on a lancé cette opération hier, de parler du plaisir que je prends aussi à mettre sur pied des manifestations, des organisations. Il y en aura deux au profit de Cap 48, une à Mons le 30 septembre, une à Liège le 6 octobre, journée de coaching et soirée de conférences avec des coachs aussi, et je peux vous assurer qu'on prend beaucoup de plaisir en effet en petite équipe pour organiser ça. Alors la notion de plaisir, c'est vrai que c'est aussi le début du commencement. Ah oui, c'est essentiel, puisque la motivation c'est une force pour réaliser nos désirs, nos besoins. Donc à partir du moment où on a satisfait nos besoins de base, je dirais de survie, après il s'agit de développement personnel, donc de mieux-être, et là il faut trouver cette notion de plaisir pour continuer à avancer et à rester motivé. Donc cette notion de plaisir, c'est aussi se récompenser, recharger les batteries. Donc il ne faut pas être motivé, tendu en permanence, il faut aussi des moments de relâchement et se dire, et porter un peu un regard justement sur ce qu'on a parcouru derrière, déjà se dire, ah c'est pas mal, donc là je suis sur la bonne voie, et là je fais un petit break. Mais elle pourra fluctuer aussi, cette notion de plaisir. Peut-être des jours où on sera dans le déplaisir en disant, pourquoi je fais ça Exactement. Qu'est-ce que j'ai comme plaisir? Parce qu'il y a un frein, quoi. Il y a un obstacle à franchir. Oui. Donc c'est sûr qu'il faut, mais il faut pas que ça chamboule tout le reste, quoi. Non, c'est ça. Donc c'est se dire qu'on a vraiment ce droit à l'échec, à l'erreur. Donc comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on construit la confiance en soi? C'est par justement échec, erreur. Et après on apprend de ce qu'on a vécu. Et c'est vraiment ça qui nous fait avancer, quoi. Mais le plaisir est vraiment central. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de motivation. Bonjour Chantal. Bonjour. C'est vrai, hein? C'est vrai, Chantal. Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Donc, vous avez résumé en fait ce que je voulais dire à l'antenne. Oui. Voilà, c'est les enfants qui, s'ils ont envie de monter un arbre et qu'ils tombent, lui dire, relève-toi et recommence. Et surtout pas le plaindre en disant, tu t'es fait beau. Ne le fais plus. Oui, ne le fais plus. Voilà, donc, c'est comme ça qu'on rend des enfants créatifs. Et puis alors des enfants aussi doivent faire des bêtises, parce que des bêtises, c'est l'apprentissage en fait. Donc, et si on les freine, si on les empêche de faire les bêtises, eh bien ils auront un frein toute leur vie. Oui, parce que leur notion de plaisir à eux, c'est d'aller dans l'arbre. Tout à fait. Ça, c'est leur objectif finalement, c'est leur projet, oui, leur projet dans l'instant. Ne pas les empêcher en disant, attention, tu vas te faire mal. Oui. Donc s'ils se font mal, tant pis, ils se relèvent et ils recommencent. Oui, en disant, tu vas, mais c'est très haut, tu vas te faire mal. Tu peux te faire mal. Tu peux te faire mal. Voilà, déjà et dire puis même déjà bébé, s'il veut monter sur une chaise, qu'on le laisse. Et s'il tombe, voilà, c'est un apprentissage. Donc, et pas directement lui faire peur. Non, tu vas te faire mal. Il faut lui laisser la possibilité d'essayer, de tester, oui. Et de rêver. très important aussi. Oui, c'est ça, parce que en effet, pour un gamin encore, pour une fille, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de filles qui montent aux arbres, mais le fait juste de regarder, quand je dis aux arbres, c'est pas non plus dans 4-5 mètres de hauteur, hein, mais bon, sur une petite branche, on va dire, ou voilà. Mais en tant qu'adulte aussi, on doit pouvoir imaginer, de pouvoir réaliser, de s'orienter vers quelque chose qui paraît peut-être dans un premier temps assez lointain et difficile à atteindre, mais il faut rêver, l'imaginer, avant de le réaliser. Et donc, il y a beaucoup d'enfants, en effet, qui ont entendu, parce qu'aujourd'hui, on met peut-être beaucoup plus de réflexion dans les termes qu'on emploie avec les enfants, beaucoup moins avant. Hein. Mm-hmm. Nos parents étaient moins préparés à ça. Donc, beaucoup d'enfants que nous sommes grands aujourd'hui ont entendu, en effet, ne fais pas ça, tu vas te faire mal. Oui. Et ça c'est quelque chose qui peut nous poursuivre. Oui, je t'interdis. Voilà. Ça aussi, je t'interdis de monter à l'arbre. Donc, il faut faire face à l'interdit. Oui, c'est ça. Bon, l'interdit. Bon, voilà, l'enfant, il a entendu, j'interdis, il ne le fera pas. Mais, mais voilà, ce sont des mots, en effet, il faut faire très attention. Oui, hein. Très attention, c'est ce qu'on appelle aussi les croyances limitantes qui nous viennent justement de notre éducation. C'est chez nous, dans notre famille, par exemple, on ne peut pas faire ceci ou cela. Donc du coup, c'est que c'est ancré en nous. Donc il faut vraiment se dire, ok, j'ai envie de réaliser quelque chose, mais c'est contraire à ce qu'on m'avait dit. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je peux? Est-ce que je me l'autorise? Donc, c'est se donner l'autorisation de faire aussi autrement, de prendre un autre chemin, prendre un risque. Hein, il y a toujours un risque dans toute. Oui, mais avec la conclusion du attention, je prends un risque, donc c'est mal. Parce que j'ai été. On m'a tellement dit que c'était mal. C'était... Tout à fait, on l'a dit, mais il faut remettre en question ce qu'on vous a dit. Voilà. Merci Chantal. Finalement, c'était prévu d'évoquer ça et c'était bien de le faire avec un témoignage. 070 23 33 23 ou par SMS 30 63 si ce sujet vous parle et si vous avez envie vous aussi de témoigner sur des réflexions que vous voulez apporter à ce sujet. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Bon, tout le monde a sa bouteille en plastique? Allez, on y va. Levez le bras, léger moulinet de l'épaule, tout en souplesse, oui c'est ça. On vise bien, un peu d'élan et on lance! Bien les enfants, en plein dans le sac bleu PMC, bravo! Les bouteilles et flacons en plastique sont les seuls emballages en plastique qui peuvent être déposés dans les PMC. Devenez champion du tri, visez le sac bleu PMC. Plus d'infos sur icdi.be. Un message de Faust Plus et de votre intercommunal ICDI. Hop, hop, hop, Julien, regarde, ta bouteille est encore à moitié pleine. Alors tu la vides complètement avant de la jeter. Vivacité présente Fiesta City du 26 au 28 août à Verviers avec Overphonic, Magic System, Les Innocents, Kenneth Heath, Grand Georges, Hugo, Jacques Stotzem, Kate Anstrey, Boogie Boys and the Woogies. En concert gratuit, toutes les infos sur fiestacity.be avec le soutien de la province de Liège, l'Avenir et la Loterie Nationale. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où? Il est où le bonheur? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Take it easy. Simplicité sur toute la ligne. La DH présente en exclusivité la Maison de Mickey. Une collection de livres richement illustrés pour découvrir les chiffres, les lettres et de nombreuses activités pour apprendre en s'amusant. Avec à chaque numéro un DVD de 2 épisodes. Grâce à la DH, apprendre devient un jeu d'enfant avec Mickey et ses amis. Le numéro 1, 1,99€ seulement, en vente en librairie. Juste un an, premier pas posé. On marche un instant avant de tomber. Dans la cour d'école, on a beau jouer. On finit au sol, le genou blessé. On tombe amoureux et le cœur lancé. Il fait de son mieux avant de casser. C'est un jeu de qui on est tous conviés. Les garçons, les filles, tour à tour tombés. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Ah. chaque fois aujourd'hui, après. Sommes-nous maladroits, faisons-nous exprès. Au milieu des autres, on est tous suspects. C'est à qui la faute qui nous a poussés. On fait ce qu'on doit pour ne plus tomber. C'est toucher du bois, parfois même prier. Et puis ça revient, ça envoie valser. Les fous et les rois, le pays entier. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Alors bien sûr, on s'aperçoit que rien ne dure, pas même soi. Mais malgré tout, on recommence. D'abord un pas, ensuite un sens. Et puisqu'un jour, on se relève, que tout combat finit en trêve, on peut tomber une fois encore et se savoir un peu plus fort. Car nous sommes toujours debout, toujours debout. Oui, nous sommes. C'est à 29 ans que je suis tombé, un peu plus qu'avant le 28 janvier. Depuis c'est le vide que tu as laissé, la vie qui décide de me relever. Chanson aussi, Emmanuel Moire, avec Toujours Debout. Comment booster vos projets pour cette année académique 2016-2017? Alors Julie nous dit, entreprendre chaque projet avec son cœur et en cohérence avec ses valeurs et surtout s'entourer de belles personnes. Julie, c'est Julie Arcoulin qui organise avec moi ces deux journées Cap 48. Donc c'est bien Julie, parce que comme ça, ça me donne la possibilité d'en reparler, parce que vous êtes nombreux à nous demander des renseignements. Mais continuez à le faire. Envoyez-nous un email lavidubonkote en un mot @rtbf.be ou vous nous appelez au 070 23 33 23, on prend note de votre numéro de téléphone, ou par SMS 30 63 50 centimes le message si vous souhaitez des renseignements. Donc en gros, Joël, j'en ai parlé mais vraiment deux secondes juste avant l'émission, nous mettons donc sur pied cette journée de coaching à Mons, au centre-ville, et le 6 octobre soirée conférence à Liège à Médiacité. On aurait pu encore fréquenter d'autres endroits, mais peut-être que l'année prochaine, voilà, ça, c'est pas facile hein, non plus d'organiser tout ça. On organise tout. Donc on organise évidemment la venue des coachs, mais aussi le fait que vous ayez à manger et à boire. Donc il y aura le petit déjeuner, il y aura le catering du midi, il y aura le verre du soir. Avant la soirée conférence, un petit concert aussi, c'est prévu. Donc voilà, grâce à l'APACW, donc voilà, je remercie déjà certains partenaires. Nous aurons des producteurs qui viendront vous proposer du fromage, des salaisons, des sucreries, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc renseignez-vous, voilà. Ah oui, surtout, c'est symbolique aussi qu'on a arrêté le prix à 48 euros. Donc c'est 48 euros parce que Cap 48, parce que tout l'argent ira pour l'opération Cap 48. On sera fiers évidemment de remettre le chèque le dimanche lors de l'émission télé. Donc voilà, Cap 48, 48 euros. C'est soit le matin, soit l'après-midi, mais avec tout ce que je viens de vous dire qui entoure la journée de coaching. Ou alors soit le soir, ce sera le 6 octobre à Liège. Donc renseignez-vous, il y a aussi des liens internet si vous allez sur le site de vivacité.be. Dans l'émission La Vie du Bon Côté, vous avez le lien qui vous donne tous les renseignements. Sur le site de Cap 48, il y a le lien aussi, mais n'hésitez pas à prendre vos renseignements. Patrick Bruel, lequel de toi, lequel de moi aura eu tort? Lequel de nous dira j'y crois encore? Lequel saura lire les silences dans d'autres yeux? Lequel ira tenter sa chance à d'autres jeux? Lequel de moi, lequel de toi dira d'abord que ça vaut peu, que ça vaut plus, qu'on s'aime encore?

La température ne cesse de monter chez nous depuis hier. Cet après-midi, le mercure approchera les 34 degrés. Si vous êtes en vacances, vous pouvez peut-être en profiter. Si vous êtes au boulot, par contre, il faudra supporter, quoique ça dépend de votre travail. Pour une secrétaire, par exemple, on estime qu'il fait trop chaud au-dessus de 29 degrés. Pour un carreleur, ça sera 18 degrés. Des températures relevées avec un thermomètre spécial, ça équivaut à une dizaine de degrés en plus sur votre thermomètre à vous. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas vous rendre au travail, mais que votre employeur doit prendre des mesures, comme mettre à disposition des boissons fraîches, de la crème solaire si vous travaillez à l'extérieur, ou encore adapter les horaires. La météo, justement, je vous le disais, il fait chaud, de 27 à 34 degrés selon les régions. Le ciel restera bleu jusqu'à la fin de la semaine. Les orages sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi. RTBF Mobile Info, un point sur vos conditions de circulation avec Pierre Collard-Bovy. Oui, avec un accident sur le ring de Bruxelles, en circulation extérieure à hauteur de Zaventem, c'est la bande de gauche qui est neutralisée en direction de Vilvoorde. Quelques ralentissements sur le ring de Bruxelles, mais sans grande gravité pour le moment. Une camionnette est en feu dans l'échangeur de Loncin, à hauteur de Loncin. Les bandes à droite et l'arrêt d'urgence sont neutralisées dans la bretelle reliant le 40 venant d'Aix-la-Chapelle à le 42 en direction de Mons. Un accident sur le 40 Bruxelles-Ostende à hauteur de Lopem. Le passage est difficile dans la bretelle d'accès et de sortie en direction d'Ostende, mais le dépannage est en cours. Des ralentissements sur le 40 Bruxelles-Ostende encore entre Herpemer et Mel, circulation qui s'effectue en accordéon en direction de la côte. Accident sur le 40 Ostende-Gand, décidément, on en parle beaucoup de celle-là. À hauteur de Yabec, les bandes de droite et d'arrêt d'urgence sont neutralisées. Circulation ralentie sur 1,5 km en direction de Gand. Et puis un accident sur le 19 envers Bruxelles, à hauteur de Vilvoorde, la bande de droite est neutralisée en direction de Bruxelles. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est la vie du bon côté sur Vivacité avec Sylvie Honoré. Merci Justine. Prochain flash à 15h. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Le beau vélo de Ravel. Le beau vélo de Ravel qui continue, bien entendu, à cheval sur cette période estivale et sur la rentrée académique et dans le cadre de cette édition 2016. Nous serons donc ce samedi à Mété. Nous accueillons maintenant Adrien Jovenot pour sa séquence hebdomadaire. Adrien qui nous parle de quoi exactement? Bonjour Adrien. Bonjour à tous et à tous. Comme tous les mercredis, on fait un gros plan sur l'animation touristique qui sera au centre du village du Beauvélo de Ravel. Ce week-end à Mété-Fosse-la-Ville. Et j'accueille pour cela Hélène Bourg. Bonjour Hélène. Bonjour Adrien. Vous avez, pas très loin de Mété, l'espace de l'homme de Spi. On peut facilement y aller depuis notre village du Beauvélo de Ravel. On rappelle en deux mots l'histoire de l'homme de Spi, c'est vraiment un élément très important du patrimoine de l'humanité. Effectivement, donc l'homme de Spi a été découvert en 1886, donc sur la terrasse de la grotte de Spi. Il s'agissait d'une série d'ossements d'hommes de Néandertal. Et donc grâce à cette découverte, c'était la toute première fois qu'on avait suffisamment de preuves pour admettre l'existence d'un type humain différent de nous, l'homme de Néandertal, et donc aussi son ancienneté. Mmh. Moi, j'ai eu la chance de découvrir votre espace il y a 2 ans, quand on avait fait un beau vélo à Jemep, très très bel espace. Alors, si on n'a pas l'occasion d'aller ce week-end jusqu'à l'espace, vous viendrez, vous, au cœur du village, du beau vélo de Ravel à Mété. Qu'allez-vous proposer comme animation, Hélène? Alors, nous, on souhaiterait proposer une animation qui tourne autour de l'exposition temporaire que l'on présentera du 7 octobre au 27 novembre à l'espace de l'homme de Spi. Donc, c'est une exposition qui s'appelle « Ferme les yeux pour voir la préhistoire ». Donc notre atelier, notre animation, on pourra l'appeler surtout « Prière de toucher ». D'habitude, on voit dans les musées « Ne pas toucher, s'il vous plaît ». Vous, ça va être vraiment le contraire. Ah oui, donc on invite vraiment les visiteurs à toucher les œuvres. Donc le principe est très simple. Donc il suffira de toucher certains objets issus de la préhistoire, certaines matières, écouter les sons qu'elles produisent, les sentir aussi, et tout ça les yeux bandés. Ça tombe bien puisque ce sera le grand week-end de l'animation Cap 48. Et là, on se met un peu dans la peau d'un non-voyant. Et souvent, quand on a les yeux bandés, les autres sens sont exacerbés, on entend mieux, on touche mieux, les autres sens sont complètement en éveil, comme si on compensait. Ah, tout à fait. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire passer. Donc, c'est une approche différente de la préhistoire, donc vraiment sensorielle. Et on veut aussi, par cette animation, bah, faire mieux comprendre aussi la vie des malvoyants. À voir donc, si j'ose dire, hein, et à ressentir ce week-end dans le village du Beauvélo de Ravel à Mété avec vous, Hélène Bourg, et toute l'équipe de l'espace de l'homme de Spi. Je vous souhaite une très belle après-midi. Un grand merci. Et on se retrouve samedi à Mété sur mon tandem. Je le rappelle, il y aura Nicolas Xavier Ladouce et à l'arrivée, le concert du groupe Suarez. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. On peut faire aussi le parallèle avec le beau vélo de Ravel. Hein, on en parlait hors antenne avec vous, Joël, Ilan, qui viendrait peut-être dépédaler à Liège, oui, oui. Le 10 septembre, quand on dit où trouver les édits. Ouais, qui viendra pédaler, même pas peut-être, qui viendra pédaler. Quand on dit où trouver l'énergie pour des projets privés et professionnels, je peux vous dire que le beau vélo de Ravel, c'est toute l'année hein, ouais. qu'ils y travaillent et que c'est une fameuse énergie aussi autour de ce beau projet. Bon, on parle de cette année académique qui recommence d'ici quelques heures, j'ai envie de dire. Mais on profite encore des journées ensoleillées que nous avons la chance, malgré tout, de vivre cette semaine, en prenant toutes les dispositions en matière de sécurité pour ne pas en souffrir. Voilà, mais le soleil, c'est tellement bon, donc profitons-en. Où trouver ou retrouver cette énergie pour aborder cette année académique? Quels sont vos moteurs personnels? Quelles sont vos astuces? Quelles sont vos stratégies? On essaiera de joindre Karina dans quelques instants, qui nous envoie un message aussi pour nous parler aussi de ce booster qu'elle a trouvé pour elle aussi, comme Véronique tout à l'heure a témoigné, réentreprendre, reprendre des études. Voilà. Quand en ville le grain se lève, vent de nerfs agité, que se ternissent les rêves dans ma réalité. Je veux des balades sur la grève, oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve dans ma réalité. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3, un bonheur simple mais à mon goût. C'est un peu vrai mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Oh, que neige alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan brise ta lune pour sécher le sel de mes larmes. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Frérot de la Vega, avec ton visage. Joël Hilland est notre invité aujourd'hui. Les conseils en développement personnel. Alors c'est vrai que vous, la créativité, elle est vraiment à l'honneur dans tout ce que vous organisez, Joël. Vous proposerez un atelier en 3 soirées aussi sur le thème « J'apprivoise mon stress grâce à des outils pratiques et créatifs ». Et ça se déroulera à Ans, au Centre culturel d'Ans, place des anciens combattants, les 19 septembre, 26 septembre, 3 octobre. C'est en soirée. soirée de 19h à 21h, c'est-à-dire outils pratiques et créatifs. On va découvrir des outils pratiques, notamment par l'art-thérapie, pour essayer d'exprimer à la fois nos émotions, faire le point. Justement, on travaillera sur les valeurs, les qualités. Mieux se connaître, c'est savoir ce qui nous convient, ce à quoi on veut dire oui ou non. Oui. Et donc, forcément, grâce à ça, ça permet aussi de limiter les sources de stress. Mieux se connaître. Des astuces, des techniques, de la créativité, voilà, et des échanges dans un espace de bienveillance. Je vais mettre en ligne votre site internet, comme ça les auditeurs pourront aller chercher cela. J'apprivoise mon stress grâce à des outils pratiques et créatifs. Ce sera à Anse, ce sera bien après que vous ayez pédalé avec nous à Liège, voilà, le 10 septembre. Exactement. Hein. Vous aurez une semaine pour vous, neuf jours pour vous remettre, puisque vous commencerez le 19 septembre. Bon, alors, se fixer des objectifs. Ça aussi, donc on en a parlé tout à l'heure, lister hein, des objectifs. Vous avez dit smart, hein, simple, mesurable, accessible, réalisable, précis dans le temps. Voilà. Encourager nos progressions, s'encourager soi-même. Régulièrement, ouais. Oui. Se faire plaisir. Oui, se faire plaisir. Quand on a atteint quelque chose, puisqu'on a parlé de paliers. De paliers, à chaque palier, peut-être faire un bilan aussi. Noter, pas seulement ce qui reste à faire, mais ce qu'on a déjà réalisé. Ça, c'est très important aussi, de faire ce petit bilan régulièrement. Ce qui reste à faire, oui. Ce qui reste à faire, c'est quand même aussi important. Oui. Mais c'est vrai que ce qui a déjà été réalisé, c'est motivant. Mm-hmm, en disant, j'ai déjà fait tout ça. Voilà. Mm-hmm. Vous parliez aussi de phase de stagnation qui va arriver à un moment donné. C'est ça, donc il faut être très tolérant avec soi-même, ne pas être trop perfectionniste, puisque ça, c'est souvent un poison pour nous, dans le cadre du développement personnel. Donc c'est vraiment se dire que, eh bien oui, il y aura peut-être une semaine où je serai moins motivée, mais c'est pas grave. Ça reviendra, je vais retrouver cette ressource, cette énergie, mais vous laisser cette tolérance, quoi, cette acceptation. Et la phase de stagnation, c'est la phase de maturation. De maturation, ou de digestion. De digestion. Oui, c'est bien aussi ça. S'octroyer une phase digestive. Oui, ça c'est bien. Important. Oui, c'est vraiment une transition, ça, finalement, la digestion. Hein. Tout à fait, oui. Il ne faut pas s'agiter quand on est en pleine digestion, c'est pas bon. Les croyances limitantes, on en a parlé donc avec une Chantal qui est intervenue tout à l'heure et qui a parlé vraiment de ces croyances limitantes que notre éducation, malgré eux, hein, on ne va pas dire nos parents, mais nos parents parfois malgré eux nous ont mis, voilà. Et ça, c'est difficile d'aller rechercher tout ça. La notion de plaisir, vous en avez parlé, la motivation qui fluctue, vous en avez parlé. Porter un regard positif aussi sur le quotidien, valoriser la difficulté, ça c'est pas toujours facile. Non, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est vraiment par la difficulté qu'on grandit. C'est ça qui nous fait poser un regard en se disant, tiens, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire évoluer mes projets. Donc c'est par les difficultés qu'on grandit, ça c'est indéniable. Mais c'est là qu'on se remet en question, notamment dans le témoignage tout à l'heure de reprendre une formation. Mais la difficulté, c'est à un moment donné une insatisfaction au niveau professionnel. Qu'est-ce que je peux faire pour changer, pour être acteur de ce changement, de mon changement. Oui. Karina, malheureusement, elle nous envoie un SMS, mais elle travaille. Elle nous dit, j'ai 46 ans. Moi, j'ai repris l'année passée un master tout en continuant de travailler. Motivation, point d'interrogation, projection dans avenir, bien sûr, mais aussi une séparation de couple douloureuse. J'avais de la colère énorme, terrible. Je l'ai canalisée en énergie pour m'investir dans ce projet. Mmh. C'est de plus en plus fréquent aussi, dans le cadre d'un parcours de vie, de reprendre une formation, de se réorienter par choix ou par nécessité. Oui. Mais c'est très intéressant, puisque c'est découvrir, apprendre. Tant qu'on est dans le développement, l'apprentissage, nouvelles connaissances, on est sur un chemin qui est vraiment intéressant. Mais c'est très intéressant ce qu'elle dit. J'ai vraiment canalisé cette colère en énergie pour m'investir dans ces projets, dans ce projet. Merci Karina de votre témoignage. 070 23 33 23, SMS 30 63. Nous irons dans quelques instants vous répéter qu'il faut croire au changement possible. Voilà, ça c'est quatre mots naïfs, mais qui veulent dire beaucoup de choses, et vous développerez un petit peu ce thème-là, Joël. Vous aimez nos émissions ? Vous voulez être le premier à savoir ce dont on parlera aujourd'hui ? Vous avez envie de partager vos idées ? Ou de retrouver des infos données à l'antenne ? De tout connaître des coulisses de la radio ? Bref, vous aimez Vivacité ? Cliquez-le, nous sommes sur Facebook. Tapez Vivacité et cliquez sur « J'aime ». Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors demain, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Vivacité matin, info et bonne humeur, vivacité. Dès 4h30.

de nos fiançailles. On vous donne des clés aujourd'hui pour aborder la rentrée académique d'une bien belle façon, du bon côté, voilà, en trois mots. Comment trouver cette motivation au quotidien, ou trouver cette énergie aussi pour vos projets privés et professionnels, sans vous stresser? Quelle est peut-être cette énergie que vous n'aviez pas l'année dernière et que vous avez mis en place, ou que vous souhaitez mettre en place cette année? Qu'est-ce qui vous a bloqué dans vos projets l'année dernière? C'est ça aussi la question à se poser, finalement, faire le bilan. Quels étaient les freins à la motivation? Pourquoi ça n'a pas fonctionné l'année dernière? Oui, évidemment, c'est très intéressant de faire un bilan. Il faut faire un bilan régulièrement. Oui, sur ce qui n'a pas fonctionné, et voilà, pour mettre en place des choses. Il faut croire au changement possible. Donc ça, c'est vrai que c'est quatre mots qui veulent dire beaucoup de choses. C'est croire qu'on peut modifier notre comportement, nos actions, et essayer autre chose pour voir comment ça fonctionne, si justement on a fait un bilan et que c'était négatif. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qui est important aussi, ce que je voulais préciser, c'est que il faut essayer de garder aussi un équilibre dans les différents domaines de vie. On peut se centrer sur un projet, mais c'est très important aussi de garder, ne pas centrer toute son énergie uniquement sur un seul domaine de vie. Ça, c'est très important. Parce qu'on risque de perdre l'énergie pour le reste, et il faut vraiment garder aussi cet équilibre. Tout à fait, c'est vrai. Avoir ça bien en vue. Encourager nos progressions, valoriser nos performances, vous l'avez dit. La confiance, donc c'est vrai qu'on va y revenir. Ne pas chercher le perfectionnisme, en effet. Ne pas vouloir que ça soit ça dépend les termes qu'on met derrière le mot réussite, quoi. Voilà. La réussite, c'est tellement. La réussite, ça peut être quelque chose de simplement se faire plaisir, réussir. Atteindre un objectif, mais il ne faut pas non plus, en effet, que l'objectif soit. Inatteignable. Soit trop difficile, donc on y revient aussi. Nous avons droit à l'erreur, vous l'avez dit aussi, établir ces bilans et voir un petit peu ce qui a été dit. Cette confiance en soi, donc encore une fois, quand je reviens sur ce qui n'a pas fonctionné l'année dernière ou les années précédentes, c'est peut-être que c'était pas le bon moment. Ça aussi, parfois, on peut se dire, voilà, il y a l'énergie qu'on dégage, l'énergie dans laquelle on va évoluer, mais il y a aussi le moment où on met en place les choses. Ça, je pense que là, on peut se dire qu'on peut aussi faire confiance à son intuition, donc son ressenti. Donc, quand les choses se sont pas très bien passées à un moment donné par rapport à un objectif, on peut essayer d'essayer de se souvenir ou de noter, tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Et faire confiance à notre intuition en se disant, bon, là, si je ressens un peu les mêmes émotions, peut-être négatives, mais faire confiance, c'est peut-être pas le bon chemin ni le bon moment, ou la bonne personne qui est là pour nous motiver. J'aimerais vraiment avoir des commentaires, des témoignages de personnes qui n'y sont pas arrivées, voilà, et qui se fixent un objectif atteignable. Des personnes qui, justement, se sont fixées un objectif trop inatteignable et ont dû redescendre et ont peut-être mal vécu le fait de se dire « j'y suis pas arrivée, voilà, je peux pas atteindre ça, donc voilà, je vais me limiter à ça ». C'est peut-être pas le bon objectif non plus. Aussi. Ou bien c'est peut-être en vous limitant à ça dans un premier temps que vous atteindrez l'objectif un peu supérieur par la suite. Et puis je dirais aussi qu'à ce moment-là, c'est là qu'on peut faire appel à de l'aide extérieure. Donc ça, c'est mon rôle aussi en tant que conseiller. Mais oui, évidemment. C'est parce être que en panne, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? On en rediscute, on en parle, on fait des exercices pratiques de réflexion, de créativité parfois. Oui. Et quoi, il y a une période propice à laquelle les personnes viennent vous voir pour mettre en place des projets? J'ai régulièrement des personnes qui sont passées par un burn-out notamment, qui sont dans ce cas-là dans une reconstruction, une réorientation parfois professionnelle, s'ils décident de changer de métier. Donc là, effectivement, c'est un moment propice. L'idéal, c'est de venir avant l'état de burn-out et d'épuisement complet, mais on peut le faire après aussi. Ça, c'est des périodes propices, effectivement. Les problèmes de couple, aussi avec les enfants, à certaines périodes, parce que je fais aussi du coaching scolaire, donc parfois le dialogue est rompu. Donc on peut essayer de faire appel à quelqu'un d'extérieur pour essayer de retrouver des sources de motivation pour son adolescent, étudiant, qui est peut-être en panne lui-même aussi et qui ne sait pas. Qui a besoin d'un regard extérieur, en fait. On fera une émission pour les enfants, justement, enfin les parents qui ont des enfants en âge scolaire, lundi, sur ça aussi, finalement. Comment leur donner leur goût d'apprendre dès le premier jour? Parce que, ça s'apprend d'apprendre. Tout à fait. C'est pas inné non plus. On n'a pas toujours ce goût d'apprendre. Certains jeunes ont des facilités, une façon d'organiser leur pensée, leur travail, et puis d'autres, pas du tout. Donc, je pense qu'il y a des choses à mettre en place concrètes, oui. et des outils assez simples, comme par exemple le mind mapping, vous oui. en parlerez peut-être sûrement, lundi. Oui. Donc c'est visualiser les choses pour vraiment utiliser nos deux cerveaux, et ça fonctionne autant avec les étudiants qu'avec les adultes pour un projet, justement. Pour un projet, pour trouver la motivation, on peut symboliser les choses par des dessins, de la créativité, de l'écriture. On en parlera à deux reprises la rentrée scolaire, lundi avec Jean-Pascal Bouzet, donc c'est vraiment ça, donner le goût d'apprendre, donner le plaisir à la tâche, voilà, tout est lié. Et c'est mercredi, je pense, avec Annie Deteux, nous parlerons aussi de la rentrée scolaire avec l'habitat-thérapie, donc ça c'est plus au niveau de la maison, bien mais c'est entendu. Important mais aussi, c'est le important contexte. Aussi le contexte. Annie Deteux, qui fera partie de notre mini-trip en baie de Somme. Parce que là aussi, j'en parle cette semaine, parce qu'on clôture les inscriptions, donc on en parlera dans quelques instants de ce qui va suivre en baie de Somme les 14, 15 et 16 octobre. 070 23 33 23 ou par SMS 50 centimes votre message 30 63 si vous souhaitez intervenir aujourd'hui. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTBF Ovio. Avec le moteur, je vous entends mal. Oui, équipe du 8-9 ici. Je suis sur le circuit du nouveau Michel Vaillant Renaissance. Rien que la couverture. Le bolide de Michel Vaillant qui roule dans Paris au pied de la Tour Eiffel. À Pigalle, Paris. Ce jeudi, c'est Philippe Graton, scénariste, qui est notre invité. Je ne saurais que trop vous recommander de venir. Le 8-9, avec Benjamin Maréchal. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Vivacité à Pervé. En toute complicité. Sur 101.8 FM. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. You got me begging. Merci avec Mercy sur Vivacité. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui vous prend de l'énergie? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Voilà, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Ça aussi, quand vous dites qu'il faut dresser un bilan, Joëlle-Ilan, je rappelle que vous êtes conseillère en développement personnel, c'est vraiment encore une fois un bilan personnel sur ce qui m'a causer des problèmes jusqu'à présent, sur ce qui m'a freiné, sur ce qui, au contraire, me motive, me booste. Mmh, voilà. Tout à fait. Se diriger vers ce qu'on a identifié comme positif pour soi-même, que ce soit des personnes ou des actions, des réalisations. Donc, favoriser ça et essayer de limiter ce qui est plutôt négatif, qui nous freine. Et remettre en question ce bilan régulièrement. Parce que ce qui était vrai, même il y a un an ou tout deux, à fait, ne l'est plus aujourd'hui. Hein. En 6 mois, beaucoup de choses peuvent changer, sûr, évoluer. C'est sûr. Et c'est vrai que je dis toujours en coaching, en accompagnement, lorsqu'on analyse un peu la situation, c'est la situation aujourd'hui. C'est une photo, un instantané du moment présent. Ouais. Ce n'était pas la même situation peut-être il y a 6 mois, ce ne sera pas la même dans 6 mois, un an non plus. Tout à fait, tout à fait. Je pense à des personnes qui souhaitaient s'associer peut-être avec l'une ou l'autre personne à un moment donné. Mm-hmm. Ça a capoté. Ils refont un peu le même schéma en disant oui, mais bon, je vais rester avec la même personne puisque, eh ben non, c'est peut-être pas la bonne personne. C'était, oui, tout à fait. Il faut peut-être à un moment donné changer aussi et savoir conscientiser ça. C'est pas facile, hein. C'est vrai qu'on parle de projet privé, professionnel, justement, lorsqu'on se lance dans un projet d'indépendant, par exemple, une démarche importante à faire, c'est vraiment quels sont les objectifs, quelles sont les motivations, est-ce que je vais pouvoir tenir, est-ce que c'est le bon créneau, est-ce que c'est le bon moment, et qui peut être là pour me soutenir concrètement, qui ou quoi. Bien sûr, qui ou quoi. On va écouter Sybille dans un instant, qui a des choses à nous dire par rapport à ça. Elle se retrouve un peu dans nos propos du jour, même si elle mène un combat pour la maladie aujourd'hui. 070 23 33 23 ou par SMS, 50 centimes vos messages, 30 63. Vous aussi, vous appréciez de souffler en fin de journée? Exactement, et on va vous offrir des cadeaux. Un peu d'actu et beaucoup de bonne humeur. Avec des bons conseils, l'occasion. Le 5 à 7 de Vivacité, ma pause. Ah, vent de rentrée. Avec Cyril. Vivacité à Binche. En toute complicité. Sur 99.5 FM. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte, tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine équipée? Et si nous la concevions ensemble? Design fonctionnel et parfaitement équipé. Cuisson à induction, four multifonction, lave-vaisselle intégrée. Ego vous offre jusqu'à 2500 euros de remise sur l'électroménager. Conditions sur ego.be. Ego, la cuisine de ma vie. 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Allez, on y croit à ces projets, on y croit à ces boosters, on y croit à ces motivations et cette énergie aussi qu'on doit avoir pour soi d'abord pour soi, voilà. Retour sur soi, retour à la confiance en soi, ça veut tout dire évidemment, c'est un sujet qui englobe énormément de choses. Je vois Yolande qui nous envoie un message en disant « Merci Sylvie pour tout ce qui est dit à l'émission, moi je suis dans l'écriture d'un livre, ça devient mon seul projet. Mm-hmm, » oui. Yolande. Donc voilà, elle prend à mon avis. C'est quelque chose qu'il apporte. Toutes les clés qui peuvent être prises. Sybille, bonjour, bienvenue dans cette émission, Sybille. Bonjour. Comment allez-vous? Mais bien, merci beaucoup. Merci, Sybille. C'est à vous qu'il faut se demander ça. Je pense que vous retrouvez malgré tout dans un combat que vous menez aujourd'hui. C'est un projet de vie, en quelque sorte aussi. C'est votre projet. C'est la maladie, c'est un combat journalier. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, on m'a d'abord décelé un premier cancer où je suis en rémission, tout va bien. Le deuxième, par contre, ça se passe pas très bien. Et mes deux boosters de vie sont ma fille Sarah, qui est étudiante en psychologie sociale, et mon médecin, Madame Daff, de Gracelogne qui me poussent, dès qu'elles en ont l'occasion, à me remettre en question et à continuer surtout à me battre, à avoir des projets de vie, qui est quand même, comment vais-je dire, d'améliorer mon quotidien et de faire tout pour y arriver. Mmh. Avec toutes les possibilités que je peux avoir actuellement, que ce soit au niveau d'aide familiale ou d'assistance sociale aussi. Il faut reconnaître qu'elles font du travail vraiment formidable aussi. Et rien qu'entendre votre émission, c'est un, vous êtes aussi coach, je veux dire dans mes journées et dans mes nuits, parce qu'il y a aussi un monsieur qui s'appelle Bernard, qui est très gentil, et voilà. Donc, Vivacité m'aide énormément. Ah, eh ben on a recommencé, alors. On a recommencé notre combat, notre mission à nous. C'est vrai que, finalement, ce que l'on dit depuis le début de l'émission, Joël, on peut le transposer dans n'importe quelle situation. Oui. Sybille, elle prend pour elle. Elle prend pour elle et elle donne. Parce que elle là, donne, oui. Quelle belle motivation, quel beau message. Et elle pose d'abord la question, comment allez-vous? Donc, il y a aussi ce regard, se tourner vers les autres et s'entourer et oser demander de l'aide extérieure pour avancer aussi dans ce que vous voulez combattre, dans votre combat quotidien. Mm-hmm. Oui. Vous avez dû faire des choix, Sybille, dans votre parcours aujourd'hui, dans ce qui est votre motivation première et votre énergie qu'on entend bien. Est-ce qu'il y a des choix? Est-ce qu'il y a des personnes que vous n'avez peut-être plus envie de voir, des choses que vous n'avez plus envie de faire? Est-ce que vous avez dû renoncer à certaines choses? Est-ce que... J'ai dû renoncer à ma vocation, comment vais-je dire, au niveau du travail, puisque je suis anciennement une aide-soignante, travaillant avec... des personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer. Mmh. Et c'est un travail, comment je vais dire, journalier, même de nuit, puisque j'ai fait les nuits. Donc voilà, quelque part, il y a eu à un moment donné un petit burn-out. Et j'ai dû m'écarter un petit peu de cette situation-là et changer tout à fait de... d'optique, je vais dire, je m'occupais de chevaux dans un manège et cela aussi m'a aidé, je vais dire, dans le fait de pouvoir tourner une page et pouvoir l'accepter. Et voilà. Donc vous êtes allé chercher des motivations aussi. C'est vrai que le contact avec les animaux, c'est très très bénéfique. Oui, tout à fait. Ouais, on a souvent fait des émissions aussi sur le sujet. Et à mon avis, on va encore en faire. Donc c'est sûr, je pose la question à Sybille parce que c'est vrai que c'est parfois difficile d'avoir à renoncer à certaines choses. On l'entend malgré tout. Elle en parle au passé, donc je suppose qu'il y a eu des choix qui doivent s'opérer. C'est peut-être une étape aussi... Elle a fait des choix, mais on sent, je trouve, une force aussi, une volonté et ces autres ouvertures, peut-être découvertes parfois. On est amené à découvrir autre chose parce qu'on doit renoncer à autre chose et ça peut ouvrir aussi au niveau humain. Peut-être c'est dans les personnes qui l'entourent, des personnes qu'elle ne côtoyait pas ou moins. Il y a cette richesse-là aussi. Merci en tout cas, Sybille, de s'ouvrir comme ça à nous. Revenez quand vous voulez. 070 23 33 23. SMS 30 63. Si vous souhaitez donc intervenir dans l'émission sur des projets de vie, des projets professionnels, des projets personnels, sur ce qui vous motive, ce qui vous booste, voilà, donner des clés et savoir un peu quelles sont vos stratégies à vous. Bienvenue. Et le lac se dessine. Courageux, c'est fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimais sur les bords. Pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre. mets sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'es mis sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Julien Doré avec le lac. J'ai envie de vous parler de la baie de Somme. Puisqu'on parle du lac, on est un peu encore en vacances avec la météo que l'on connaît ces jours-ci, en tout cas l'état d'esprit vacances. Nous organisons donc une escapade en baie de Somme pour vous permettre de prendre le large, voilà, de prendre l'air. Et nous organiserons une croisière en 2017 au mois d'avril dans la vallée du Douro au Portugal. Voilà, comme nous l'avons fait en Croatie l'année dernière. Mais nous avons vraiment envie de nous octroyer, de dégager ce petit week-end, ce mini-trip de 3 jours, 14, 15, 16 octobre, à Saint-Valery-sur-Somme, en baie de Somme, à l'hôtel Capornu, qui est magnifique, vous m'avez dit, hein, Joël. Très, très beau. Vous connaissez, moi je ne le connais pas encore, avec Annie Deteux, avec Caroline Bachot, avec Salvatore Erindon et avec Philippe Bétourné, les 4 coachs, en tout cas 3 des 4 coachs de la croisière de 2016 en Croatie, donc ils viendront animer des ateliers. Ce sera un peu comme des émissions, voilà, des échanges avec je serai avec un partage avec des personnes qui prendront la parole en direct, en tout cas les intervenants, ceux qui vont nous accompagner en baie de Somme. C'est 2 nuits, c'est 3 repas, c'est 3 jours, c'est 4 conférences. Et ce sont des renseignements que vous allez, j'espère, prendre parce qu'il ne reste presque plus de place. Voilà, on clôture vraiment ces derniers jours. Un numéro de téléphone, si vous le retenez, ce sera peut-être plus facile pour vous. Ou une adresse email que je vais vous rappeler aussi. Le téléphone, c'est le 0475 75 70 77, 0475 75 70 77, où vous nous envoyez un email, laviedubonkoté, en un mot, @rtbf.be, et on vous envoie le programme complet. Voilà pour ce petit week-end de vacances coaching qu'on s'accorde. Je rappelle aussi que vous serez, vous, en atelier. J'apprivoise mon stress grâce à des outils pratiques et créatifs. Les 19 septembre, 26 et 3 octobre, en soirée, de 19h à 21h, ça se passera au Centre culturel Danse, place des anciens combattants, et vous serez donc la formatrice. J'ai envie d'accueillir Martine. Bonjour, oui. Martine, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Vous avez décidé de prendre un crédit temps, Martine, pour vous occuper de votre fille. Oui, en fait, je voulais partager un petit peu mon histoire parce que votre intervenant, donc Joël, a commencé à parler de burn-out tout à l'heure. Oui. Et donc, voilà, je vais avoir 49 ans et je suis à mon deuxième burn-out en réalité. Donc, j'ai commencé à travailler à 20 ans dans le secteur bancaire et j'ai toujours été la petite fille modèle, très appliquée, qui faisait tout ce qu'on lui demandait. Et ça a bien réussi pendant une quinzaine d'années. Et puis, crac. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y a quelque chose qui se passe. On ne sait plus. Et donc, ça, c'était il y a 8 ans à peu près. Bon, entre-temps, j'avais rencontré mon époux. J'ai eu une fille, donc elle a 6 ans et demi maintenant. Et j'avais réaménagé mon temps de travail en disant « Ok, je reprends, je ne veux plus de responsabilité, je reprends 3 jours semaine, je vais trouver un équilibre de vie comme ça. » Bon, évidemment, j'ai quand même une bonne quinzaine d'années derrière moi de consultation d'une gestalt-thérapeute. Et voilà que l'année passée, en septembre, de façon tout à fait inattendue, en 3 jours de temps, paf, nouveau burn-out. Très déroutant, évidemment, interpellant, à se demander... voilà, que se passe-t-il? Donc, il y a 8 ans, c'était des problèmes intestinaux. Et l'an dernier, ça s'est manifesté sous forme d'angoisse. Des angoisses qui montaient dès que j'arrivais au travail. Donc, ça montait vraiment au niveau de la gorge, avec des palpitations. Et donc, heureusement, mon responsable m'a dit, bon, ben, écoute, tu vas voir le service médical. Et on m'a mis tout de suite en repos en me disant, vous n'êtes pas prête pour la rentrée scolaire de votre fille. C'est ça qui vous stresse, etc. Mais je dis, non, tout est prêt pour la rentrée de ma fille. Ça me paraissait un petit peu étrange ce qu'on me disait. Et à la fois, je me rendais compte que je n'arrivais plus à me concentrer au travail subitement, alors qu'on venait rentrer de vacances. Et ce que vous voulez demander peut-être à Joël, ou ce que vous voulez... Eh bien, Voilà, donc en fait, ce que je voulais justement partager, c'est que, bon, depuis lors, on a pris la décision ensemble avec mon époux de prendre un crédit temps pendant 3 ans, quelque part pour me laisser un peu le temps de vivre le moment présent. Et j'ai repris mes consultations en gestalt-thérapie. Et elle me titille, si vous voulez, je le ressens comme ça, sans arrêt, sur dans 3 ans, on reprend le travail, qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment on va y arriver. Oui, oui. Et donc, cette notion de projet. Mmh. Et au mois de mai, donc à force d'y aller chaque semaine, etc., au mois de mai, je lui ai dit, écoutez, moi, je ne sais pas me projeter, je n'ai pas envie de me projeter. Je suis enfin arrivée à trouver un équilibre de vie pour l'instant, où je suis épanouie à la maison, j'ai beaucoup de bonheur à m'occuper de mon enfant et à être en famille. Pourquoi m'embêter, entre guillemets, maintenant, avec cette question du lendemain? J'ai pas pris 3 ans de crédit temps pour consulter pendant 3 ans. Et donc, voilà, je voulais un petit peu demander à Joël, est-ce qu'il faut vraiment se fixer des objectifs? Est-ce qu'il faut vraiment se projeter dans le futur? Est-ce qu'on ne peut pas simplement accepter de vivre le moment présent? Ce que moi, en tout cas, je n'avais jamais fait dans ma vie, parce que je n'ai pas appris à vivre comme ça. Ça, c'est une bonne question. Mais j'entends très bien, et je pense que ce crédit temps, c'est en soi un objectif, apparemment, dans son cas, vu son vécu, qui est vraiment indispensable. C'est une parenthèse. Et 3 ans, ça laisse le temps de voir venir, effectivement. Elle n'est pas obligée maintenant de penser à ce qu'elle fera dans 3 ans. Ce à quoi elle doit penser, je pense, aujourd'hui, c'est vivre au quotidien, effectivement, profiter de sa famille, de sa fille, être déjà retrouvé, se ressourcer, retrouver son énergie, essayer de diminuer le niveau de stress pour atténuer les angoisses petit à petit, donc retrouver un confort physique et mental avant tout. Et puis, si on parle d'objectifs professionnels, si elle a pris une pause de 3 ans, je pense qu'elle a largement le temps. Mais c'est à elle, moi je ne peux pas juger sur son accompagnement, elle de se faire confiance aussi. Si elle sent qu'elle doit faire un break au niveau de son accompagnement, mais c'est elle qui doit prendre la décision. Elle peut peut-être en parler avec la personne qui l'accompagne, mais il faut qu'elle suive son intuition, son ressenti. Et si pour l'instant ce n'est pas ce dont elle a besoin, pourquoi pas prendre vraiment cette parenthèse, quitte à revenir après un accompagnement. Merci Martine, je pense qu'en effet vous écoutez aura fait mouche peut-être auprès de certains auditeurs qui vivent peut-être une situation semblable ou qui ont été peut-être aussi confrontés à ce genre de situation. Vous pourrez réécouter bien sûr cette émission en podcast sur Ovio. Je vais mettre votre site internet, vous me le rappelez pas et voilà, je fais autre chose et je le mets tout de suite sur la page Facebook, comme ça vous pourrez contacter Joël, vous conseillez où, Joël, exactement? Donc, à Xandremael, sur la commune d'Anse, dans la région de Liège. Voilà, ok, vous êtes là-bas, donc, en ce moment. I swim a part of ocean, I fly a part of empty sky. Japan is my new direction, Moscow was amazing last night. I never closed the door, behind me something more. The day I stop it all, it's true, and I will do it just for you. I swim a part of ocean, I fly a part of empty sky. Japan is my new direction, Moscow was amazing last night. I never closed the door, behind me something more. One day I'll stop it all, it's true, and I will do it just for you. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true, And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me. Kid Noise sur Vivacité, c'est du belge. Alors, en conclusion, Joël Hyland, je rappelle que vous êtes conseiller en développement personnel région de Hans. Nous avons parlé depuis 13h15 maintenant de ce qu'il fallait mettre en place pour soulever des montagnes. Soulever des montagnes pour mettre en place vraiment des projets personnels, des projets privés, mais y aller palier par palier. Quelles sont les choses à retenir? Mais je pense que ce que je voudrais que les auditeurs puissent retenir, c'est que la motivation doit être quelque chose de positif qui nous porte et pas une contrainte, pas une pression supplémentaire, au contraire. Donc il y a vraiment quelques clés à retenir. C'est d'abord se récompenser à la moindre progression. Même quand on est grand, on a besoin de ça, de récompense, voilà. De bons points. Se récompense soi-même, on va la chercher à l'extérieur. Tout à fait. Éviter de se comparer. Oui. Parce que surtout aujourd'hui. Parce que nous sommes uniques réellement. Et aussi, malgré tout, se remettre en cause, mais sans se juger, avec beaucoup de douceur pour soi-même et beaucoup de tolérance vis-à-vis de soi-même. Ouais, c'est sûr. Et faire un bilan assez régulièrement sur ce qui n'a pas été. Mmh. Voilà. Bien sûr. Mais surtout personnel, parce que c'est vrai que essayer de pas toujours entendre ce que disent les autres. C'est ce qui est le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, évidemment. Évidemment, les démotivateurs, essayer de les fuir, voir qu'il y a derrière eux, en effet, des peurs. Donc parfois, c'est de les rassurer. Mm-hmm. Les rassurer, c'est se rassurer. C'est rassurer. De toute façon. Je voulais dire, justement, c'est les autres, mais c'est beaucoup aussi nos petites voix intérieures, nos petites autocritiques. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais malgré tout, faire confiance à son instinct aussi, vous l'avez dit. Oui, l'instinct est extrêmement important. C'est un ressenti vraiment qu'on ressent physiquement. Ouais, on refera des émissions sur l'instinct, ça c'est sûr. Bon, je rappelle que vous donnerez donc ces ateliers. J'apprivoise mon stress, parce que finalement, on n'a pas beaucoup parlé de ce mot-là, le stress, mais il était en filigrane dans tout ce que nous avons dit, de toute façon. Donc, j'apprivoise mon stress grâce à des outils pratiques et créatifs. Ce sera les 19 septembre, les 26 septembre et le 3 octobre à Hans, et vous serez la formatrice. Merci beaucoup, Joël. Merci à vous. De nous avoir accompagnés, de nous avoir donné cette énergie. J'espère qu'on vous en a communiqué, bien entendu. Et l'émission qui suit est pleine d'énergie, de punch aussi. C'est l'émission Les Retours qui s'installe. Tout Vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies.